Unité 1. Leçon 1. Activité 1, 2 et 3, page 8. Écoutez et dites quel résumé correspond à ce dialogue. Tiens, Corinne, qu'est-ce que tu fais ici? Salut Vladimir. Je viens de la NPE, je cherche du travail, j'ai rien trouvé. Tu cherches un travail? Quel genre? À plein temps? Je sais pas. Pourquoi? Regarde ce type là-bas. Celui qui a un jean gris et des tennis. Lequel? Celui-là, au fond, à côté du comptoir. Eh ben, c'est incroyable. Il vient de me dire qu'il laisse son job dans une entreprise d'informatique. Ça t'intéresse? Pourquoi pas? Tu le connais bien, ce type? Pas énormément, mais il est sympa et je crois qu'il cherche quelqu'un pour le remplacer. Tu viens? Je te le présente. Attends, où elle est cette boîte? En banlieue? Il me semble qu'elle est à La Défense. C'est pratique pour toi, métro direct. Et le boulot? Qu'est-ce que c'est? Dessinateur de pages web. C'est bien, il faut être créatif et précis. Et toi, tu l'es? Oui, mais à plein temps. Comment je vais faire pour suivre mon stage? Écoute, tu peux pas être exigeante pour un premier emploi. Et comme salaire, ça vaut la peine? Ben, j'en sais rien. Viens, je vous présente et vous en parlez tranquillement, d'accord? D'accord. Qu'est-ce que tu veux lui dire de moi? T'inquiète pas, tu étais une excellente étudiante en informatique, que tu es sérieuse, que tu as de l'imagination, tout ce qu'il faut pour ce travail. T'es vraiment un amour, je t'adore.